L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. 2015 verra la mise en route de deux machines exceptionnelles, qui pourraient peut-être enfin mettre en évidence le candidat préféré des physiciens pour jouer le rôle de la matière noire, la particule supersymétrique la plus légère, la WIMP. Weakly Interacting Massive Particle, aussi appelé le neutralino. L'une des deux machines est bien connue, il s'agit du LHC, le Large Hadron Collider, le grand accélérateur collisionneur de protons du CERN. Le LHC est arrêté depuis 2013, depuis sa très belle découverte production du boson de Higgs. Il n'a pas été arrêté pour cause de panne, mais pour être mis à niveau, amélioré significativement. Sa remise en route est prévue pour dans quelques semaines. Il bénéficiera alors d'une intensité de faisceau bien supérieure à celle de 2013 et surtout d'une énergie presque doublée. Alors que les protons ont se collisionné au maximum à 8 TeV, téraélectronvolts, en 2013, l'énergie montera jusqu'à 13 TeV à partir de cette année. Avec tout ce surplus d'énergie et d'intensité, le LHC, avec ses différents énormes détecteurs, notamment ATLAS et CMS, ceux-là même qui ont permis la découverte du boson de Higgs, devrait permettre de produire et détecter indirectement des particules dites supersymétriques, des sortes de particules miroirs des particules que nous connaissons. La théorie de la supersymétrie a été imaginée il y a déjà plus de 40 ans. Si on n'a encore jamais vu de particules supersymétriques, c'est peut-être parce que leur masse est très importante, qu'elles sont instables, qu'elles interagissent très faiblement avec la matière qui nous est ordinaire, ou bien qu'elles n'existent en fait pas. D'après la théorie, il peut exister une seule particule supersymétrique qui serait stable, ne se désintégrant pas, et de fait la plus légère d'entre toutes les particules supersymétriques. La seule qui pourrait persister depuis le début de l'histoire de l'univers. Elle est appelée le neutralino. On ne sait pas quelle masse elle devrait avoir. Le plus probable est qu'elle se situe entre 1 GeV et 1000 GeV, c'est-à-dire une masse comprise entre celle d'un proton et de 1000 protons. Le LHC peut en théorie produire des neutralinos, s'ils existent, via la création de nombreuses particules dans ces collisions protons-protons à très haute énergie. Il faut avant tout produire le maximum de réactions entre particules et avec la plus grande énergie possible pour avoir un espoir de voir, entre guillemets, apparaître des particules supersymétriques, que ce soit la plus légère, le neutralino, ou d'autres un peu plus lourdes et instables. Ce ne sera pas une détection directe de ladite particule, mais une observation de désintégration un peu bizarre de particules plus classiques et qui ne pourront s'expliquer que par la présence fantôme de ce type de particules supersymétriques, dans l'inventaire des particules ayant été produites dans le collisionneur. Ce point de fonctionnement du LHC est en fait le fonctionnement nominal pour lequel le collisionneur a été conçu. La découverte du boson de Higgs n'a été ainsi faite que dans un mode restreint de cette incroyable machine. La seconde expérience exceptionnelle, capable en théorie de mettre en évidence des WIMPs, devrait entrer en fonction dans le courant de l'été. C'est l'expérience Xénon 1T, installée au laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie. Xénon 1T est l'évolution des expériences Xénon 10 en 2010, puis Xénon 100 en 2012. Et elle est conçue et exploitée par une collaboration internationale d'une centaine de chercheurs, dont des physiciens français. Il s'agit d'un gigantesque détecteur de WIMPs contenant plusieurs tonnes de xénon liquide et gazeux. Xénon 1T est un détecteur de type chambre à projection temporelle qui doit détecter directement les collisions de WIMPs provenant de toutes les directions avec les noyaux atomiques de xénon. Chaque collision de WIMP produit à la fois un signal de luminescence et un signal d'ionisation dans les 3,5 tonnes de xénon utilisés. C'est exactement la même technologie que celle déployée par l'expérience américaine LUX, qui a beaucoup fait parler d'elle fin 2013, et dont nous avons parlé abondamment ici, car elle était la plus sensible au monde dans ce type de détection directe, et elle n'avait rien détecté. Mais Xénon 1T aura une sensibilité 50 fois plus grande que celle de Lux. Alors, beaucoup d'espoirs sont mis sur ces deux expériences très différentes pour 2015 et 2016, même si la chasse aux WIMPs continue aussi sur d'autres terrains, notamment par l'observation de signes astrophysiques indirects de la présence de ces particules, sous forme de rayons gamma particuliers et inexpliqués par ailleurs. Alors, rendez-vous fin 2015 pour une synthèse des premiers résultats. En attendant, à très bientôt sur Ça se passe là-haut, et restez à l'écoute, www.ça-se-passe-là-haut.fr. Bon ciel à toutes et à tous.